بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندخل في الدرس الرابع. Quatrième درس. Toujours dans Kitab Tawhid ou Al-Aqida, dans ce livre, et dans le chapitre de la foi et du niveau de la religion. قال في السؤال الثالث عشر. على أي ملة يولد المولود. Donc sur quelle voie, parce que Milla ça peut être traduit par religion, ou une voie, ou une doctrine, ou une croyance, ou réel d'Aleka. Donc, lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, comment est-il considéré à la base ? قال في الجواب على ملة الإسلام. Il est considéré comme étant sur l'islam à la base. Quand il sort, il est neutre. Et cette neutralité, c'est l'islam, le tawhid. Il est ce qu'on appelle al-fitra, la vraie nature de base et première. قال والدليل حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Donc il dit que selon Abu Huraira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que chaque nouveau-né naît sur la nature, la vraie nature, qui est l'islam, le tawhid. Seulement ce sont ses parents par la suite qui soient le christianisme ou le judaïsme, ou en font un majus, un maj. C'est-à-dire qu'ils le sortent de notre religion, car l'enfant suit les parents. Et كذلك, dans le Coran, ce que l'auteur ne cite pas, قالوا تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ لَا غَافِلِينَ. Lorsque Allah a pris l'engagement des fils d'Adam alors qu'ils étaient encore dans le rein d'Adam, ne suis-je pas votre Seigneur, ils ont dit si, nous témoignons, nous attestons de cela. Il a dit cela en guise d'argument pour que يَوْمَ الْقِيَامَةِ vous ne disiez pas, vous ne poussiez dire, nous étions inattentifs à cela. C'est-à-dire que là même le kafir au fond de lui, Ar-Rububiyyah, il a en lui qu'il a un Seigneur qu'il a créé. Maintenant, il ne connaît pas les détails, comment faire pour l'adorer. Cela demande apprentissage. Et on avait fait un audio parce que des gens se servent de ce genre de hadith pour ce qu'on appelle, quand quelqu'un par exemple rentre en islam, il l'appelle reconverti. J'ai fait un audio où je cite le sujet, pour dire que cet homme-là reconverti n'a pas d'origine. N'a pas d'origine. Celui qui entre en islam, le terme en français qu'on connaît, c'est conversion. Il n'y a pas reconversion. Ce n'est pas tu as apostasie, après tu es revenu. D'accord ? En arabe, il n'y a pas aslamtu min jadid. Je me suis reconverti, comme on dit en arabe. C'est aslamtu, c'est tout. Si jamais tu as apostasié, tu rentres en islam. Les sahaba, qui étaient... pour la plupart sont des gens qui ont embrassé l'islam par la suite, ils ne sont pas nés sur l'islam. Il n'a jamais été dit d'eux qu'ils emploient ce genre de terme. Je suis reconverti. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas enseigné cela. Ça, c'est une philosophie qui était venue dans la tête de certaines personnes dans notre époque. Mais ce mot-là, reconverti, à la base, n'a pas d'origine. Et celui qui veut entendre plus de détails, qui revient à l'audio présent sur le site. Quand la fissoel, arabe et achar. 14e question. اذكر اربعا من ملل الكفر. Donc maintenant il dit cite-nous quatre voies ou doctrines ou religion également parmi celles de la mécréance. Là-dessus il y a eu un khilaf entre les ulama. Certains disent que le kufr milla wahida, que tous les kufars c'est une seule religion, et d'autres la divisent, et c'est ce qui paraît comme étant le plus plausible, c'est qu'elles sont de différentes sortes. De base, les koufars sont tous une même chose, mais leurs religions sont différentes. Pour preuve, que dans l'islam, par exemple, le juif et le chrétien a des droits que l'on n'accorde pas aux autres. Par exemple, le juif et le chrétien, on peut manger, masalel, leur viande sacrifiée, au nom d'Allah Azza wa Jal. On peut se marier avec leur femme, chose qui n'est pas permise avec les autres. Ce qui prouve qu'il y a une différence entre eux. Et l'auteur va citer le verset. Donc avant, en premier lieu, ces mille-là, elles sont al-Yahoudiya, ce qu'on appelle le judaïsme aujourd'hui, al-Nasraniya, ce qu'on appelle le christianisme, al-Sabi'ah, ce sont des gens qui, comme les ulama les ont expliqué dans le tafsir, des gens qui n'ont pas de religion en soi, c'est-à-dire ils disent croire en un seigneur, mais ils ne s'attachent à aucun rite et à aucun suivi, et à aucun prophète. Et d'ailleurs, Quraysh, eux, considérer les premiers à avoir suivi Mohammed comme étant des sabi'un, pour dire que vous n'êtes pas de religion, vous n'êtes pas comme nous. Et les majusiyah, majusiyah qui sont traduits comme étant les mages, sont ceux qui adorent le feu et qui disent qu'il y a deux créateurs, la lumière et les ténèbres. Donc la preuve de l'auteur pour dire que ces milel sont différentes, qu'Allah ta'ala, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Il a dit ceux, dans le sens ceux qui ont cru, ça c'est un, les croyants, et ceux qui sont judaïsés, ça fait deux, et الصابئون, les sahabéens comme ils se traduisent en français, ça fait trois, et les نصارى, les chrétiens, ça fait quatre, et les مجوس, ça fait cinq. D'accord ? Et quand on dit cinq, c'est en comptant les croyants, à la base, au début. Al-lazina ash-shiraku, et ceux qui ont associé. Et toutes les voies précédentes sont tous considérées comme étant associateurs. Par rapport au shirk, ils sont tous sur le shirk. Les chrétiens sont des mouchrikoun. Les juifs sont des mouchrikoun. D'accord ? Les majus sont des mouchrikoun. Wasa'ibun kazalik. Cependant, leur rite diffère. Et il dit, Allah divise, oh, Allah jugera entre eux le jour de la résurrection. Et Allah est témoin de toutes choses. Donc Allah a bien différencié entre ces catégories. Non. ثم قال في السؤال الخامس عشر هل اليهود والنصارى رادون عن المسلمين؟ Est-ce que les Juifs et les chrétiens agréent les musulmans? قال في السؤال في جواب لا, sûrement pas. Les Juifs et les chrétiens et même tous les mécréants n'agréent pas les musulmans. الدليل قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. Que les juifs et les chrétiens ne t'agréeront pas tant que tu ne suivras pas leur voie, leur religion. Dit la guidée d'Allah, c'est la guidée. Al-Baqarah, Abash, verset 12. Donc ça, ce verset-là qui est auquel trop de gens sont inattentifs. Les chrétiens, les juifs ne t'aiment pas, même s'ils te montrent une preuve d'amour, c'est qu'ils ont l'intérêt derrière de t'attirer vers eux, ou de se faire passer comme étant meilleur que toi. S'ils t'aimaient et étaient sincères, ils accepteraient ta religion et rentreraient dedans. Tout comme eux-mêmes ne s'aiment pas les uns les autres. Comme quand on ta'ala, ou quand on yahoudou, les la nasara à la shay, ou quand on nasara, les yahoudou à la shay. Que les juifs disent, les chrétiens ne sont sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne sont sur rien. Cependant, tous sont réunis sur une chose, qu'ils n'aiment pas l'islam et veulent combattre l'islam. Quitte à s'unir entre eux. Alors que nous, même si on n'aime pas le christianisme et autres, on ne s'allie pas à eux pour les combattre. Nous, on les désavoue, comme on l'a dit dans la définition du Tawhid, on se désavoue des gens du shirk, en totalité. Ça, c'est la base dans les choses. Donc, si jamais demain tu vois un mécréant qui t'apprécie, c'est soit que tu ne lui as pas dit les choses clairement, ou soit alors peut-être qu'il envoie de se convertir, d'entrer en islam. Ou alors, autre hypothèse qui est la plus dangereuse, c'est que toi, tu penches vers eux, donc il t'apprécie. Il voit de toi un penchant vers lui, donc il t'appréciera. Sans quoi, si tu es un musulman sur la vérité, d'accord, ferme, ils pourront reconnaître que ce que tu dis c'est vrai, au fond d'eux ou quoi, mais ce ne seront pas des gens qui vont te fréquenter et qui vont t'aimer. Ils vont t'éviter. Ils t'éviteront. قال في السؤال السادس عشر من هم شر البرية ومن هم خير البرية. Donc il dit qu'ils sont les pires de la création et qui sont les meilleurs de la création. قال شر البرية الكفار وخير البرية المؤمنون. On a encore chose qu'on apprend aux enfants, qui doit savoir à l'enfant que la pire de la création, ce sont les mécréants. Et les meilleurs de la création sont les croyants. Contrairement à ce que les gens disent, comme par exemple ce Rachid El Jay, Abu Hudaifa, qui disait de ne pas avoir la haine entre les mécréants, envers les mécréants. Allah dans le Coran nous dit qu'ils sont les pires de la création. Comment va-t-on aimer ne pas avoir de haine envers une chose qui est la pire création? Et la preuve en cela, ça porte dans le sens où il dit Inna lazina kafaru min al-kitab wal-mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulayka hum sharrul bariyya. Inna lazina amanu amilu salihati ulayka hum khairul bariyya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adlin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Il dit dans le sens, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les gens et les mouchrikoun sont dans le feu de l'enfer éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Donc regardez bien, Allah dit bien que les chrétiens sont des mécréants, ainsi que les associateurs, et qu'ils seront au feu éternellement. Et ceux-là sont les pères de la création. Donc il n'est pas permis de dire qu'ils sont des croyants, et on n'est pas permis de les aimer. Fumaqala inna alladhina, ou plutôt il dit, dans le sens, ceux qui ont cru et qui ont vrai dans le bien, ceux-là sont les meilleurs de la création. Et pas des croyants qui ont la vraie foi, comme cela va arriver, Inch'Allah. Qui sont les croyants, les musulmans actuellement. Et qui l'ont toujours été d'ailleurs. Leur récompense est auprès de leur Seigneur, des jardins, qui coulent plutôt des ruisseaux. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils seront éternellement. Allah les agrée, ils agréent Allah. Et c'est les récompenses qui revient à celui qui a craint Allah. Al-Bayyina, la preuve, versets 6 à 8. Thumma qala fi as-su'al as-sabi'a, hal al-kafiru ya'ishu fi hayatin tayyiba? Est-ce que le mécréant vit d'une bonne vie? Car nous voulons nous faire croire à la télévision, pour ceux qui la regardent malheureusement, donc cela n'est pas permis. Ou autre, comme ici ils essaient de le faire croire aux musulmans dans leur pays, que les koufars sont heureux et vivent bien. Ce n'est pas vrai. Ils ont de la dunya, mais dans leur cœur, ils ne sont pas vrais. Ils ne vont pas bien. Donc il dit là, c'est quoi la preuve en cela? Qala ta'ala, wa man a'rada 'an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Il dit celui qui, dans le sens celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie étroite. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection en étant aveugle. Donc ne sont pas leurs réponses qu'ils ont comme richesse. Malgré cela, leur cœur et leurs âmes sont attristés. Ils vivent dans le mal, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas apaisés. Sache-le. Et regarde bien les gens riches comme ils sont toujours insatisfaits, ils ne sont jamais rassasiés. Certains sont milliardaires, des milliers de dollars ou d'euros. Malgré cela, ils ne sont jamais à l'aise. À part à des moments particuliers, ils sont heureux quand ils ont bu, ont pris de la drogue. Et pour preuve, s'ils étaient heureux et apaisés, ils n'auraient pas besoin de perdre l'esprit en devenant ivre et en se droguant. Être alcoolique, boire de l'alcool ou être drogué est une preuve que la réalité ne te convient pas. Sinon, pourquoi tu la fuirais en y rendant ces choses-là qui te les font oublier? Donc ils ne sont pas heureux. Et le musulman aussi a une tristesse. On ne dit pas qu'il n'est pas triste. Mais cette tristesse, elle est relative par rapport à un fait ou par rapport au fait qu'il veut une chose qu'Allah lui a promis qu'il n'a pas encore obtenue, comme le paradis ou autre. Et cette tristesse, s'il passe dessus, il en est récompensé. Mais le kafir, lui, il est mécontent de ce qui lui arrive, de ce qu'Allah lui a prédestiné. Il n'aime pas cela. Alors que le musulman, il accepte. Il aimerait autre chose au fond de lui, mais il se dit ce que mon Seigneur m'a accordé, ce qu'il y a de meilleur. Comme quand il était Allah, وَعَسَىٰ أَن تَقْرَوُوا شَيْئًا وَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَشَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose, d'accord, alors qu'elle est un bien pour vous, ou le contraire, que vous avez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah, si vous ne le savez pas, celui qui connaît le verset qui s'y soumet, c'est que quoi qu'il vive comme épreuve, que ce soit pas une chose qui est causée de sa propre main, c'est une épreuve pour lui, même s'il s'en va triste par rapport à ses plaisirs ou quoi. Il en est apaisé du fait qu'il sait que c'est quelque chose qu'Allah lui a écrite et qu'il y a un bien derrière pour lui. Et s'il ne s'en rend pas compte aujourd'hui, il le trouvera après la mort, bizna ta'ala. Souma qala, fi su'al thamin ashar, man hum ahlul kitab? Qui sont les gens du livre? Qala humul yahoud wa nasara. Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Wa dalil qawluhu ta'ala, wa qalat il yahoudu lisat il nasara ala shay, wa qalat il nasara lisat il yahoudu ala shay, hum yatuna al kitab. Que les juifs ont dit les chrétiens ne sont sur rien, et les chrétiens ont dit que les juifs ne se basent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont reçu le livre. C'est pour ça qu'ils sont appelés gens du livre. Les livres précédents, à leur époque, pour eux, c'était leur loi, la parole d'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, mais elle a été altérée par la suite. Et ces livres ont été abrogés par le Coran. Donc la Torah, qui est le livre des Yahoud, d'accord, était un livre qui était descendu d'Allah, Azzawajal, sur Moussa, alayhi salam. Ou l'Injil, ce qu'on appelle l'évangile aujourd'hui, descendu sur Isa alayhi salam, qui était le livre de ceux qui suivaient Isa. Et aujourd'hui, ils ont réuni les deux ensemble dans la Bible, ce qu'ils appellent la Bible. Mais cette Bible-là, qu'on a actuellement, elle est altérée, modifiée. Et quand bien même elle serait encore authentique, elle était abrogée par le Coran. Donc on n'a pas à y revenir. Non. Fuma qalef suwel et tasi asha, hel din al-islam kamil am yahtaj ila takmil. Est-ce que la religion de l'islam est complète ou a-t-elle besoin d'ajout? Qala ta'ala. En premier lieu, l'auteur a dit non, l'islam c'est une religion qui est complète, parfaite. Et le défaut et le manquement sont chez nous. Mais la religion, elle, n'a aucun manquement. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous ma religion, j'ai complété pour vous mon bienfait, j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Sourate Al-Ma'ida, la table servie, verset 3. Donc maintenant, celui qui ajoute une chose à l'islam, ça devient un innovateur. Et cet innovateur, même s'il ne s'en rend pas compte, c'est comme s'il disait, il dit, moi le verset, je le reconnais. On dirait non, car tu as qu'une chose que Mohammed sallam n'a pas apportée. Donc pour toi, c'est incomplet. Donc ça, c'est une diffamation vers la religion. Naam. On va s'arrêter là aujourd'hui. Tamam. On s'en occupe. Fi yom al-adi. Bismillah ta'ala. Wa alhamdulillah min alamin.